plastron, il porte un plastron sur son estomac, sous son pyjama, il casse pas le tronc, il a pas poltron, quand il tourne en rond, il est jamais rond. Peut-être pour la localité, un figure l'antiquité. Quand il mange ce nook, les guettes en misouk, Tiffy Malbarez, assis sur la chaise. Quand il boit la rac, il confond macaque avec mal le chat, il marche à quatre pattes. Peut-être pour la localité, un figure l'antiquité. Mesure le rhum à la place d'une pomme. Après les dents de bout, sous son trahis chouchoute, les papiers marchés, son rein débloqué. Peut-être pour la localité, un figure l'antiquité. Mais quand l'y réveille, l'y rôde tes oreilles. Il écrit dans le journal toute l'histoire bergale. Ici pas son nom, la peur coup de bâton. Quoi va faire bon Dieu quand oui fait pitié. Peut-être pour la localité, un figure l'antiquité. Peut-être pour la localité, un figure l'antiquité. Peut-être pour la localité, un figure l'antiquité. Peut-être pour la localité, un figure l'antiquité. Peut-être pour la localité, un figure l'antiquité. Peut-être pour la localité, un figure l'antiquité.